ندخل اليوم في السؤال الرابع والثلاثين بعد المئة. 134 question. يقول سئل الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم استعمال لو. Donc il est interrogé qu'en est-il d'utiliser le terme لو qui veut dire si en français. À savoir que si en français a plusieurs sens. Et là, en arabe, il y a plusieurs mots pour ces différents sens. On a لو, on a in, on a iza, par exemple. Ce sont des termes différents qui ont des sens différents. Mais en français, tous ont un seul mot qui est si. Donc à bien comprendre, ce n'est pas tout si, comme on le dit en français, qui rentre dans ce jugement-là. Mais le si qui, lui, par exemple, dire, tu dis à quelqu'un, si tu fais telle chose, tu auras telle chose. Ça, ça rentre en arabe avec in ou iza. Tu dis in tafal hada, falaka kada. Ou iza fa'al tahada, tayeb, laka kada. Donc là, ça ne concerne pas ce terme-là. Mais là, le low, c'est, par exemple, ce serait plutôt si tu avais fait telle chose, tu aurais telle chose. Low fa'al ta kada, lakana laka kada. Là, c'est ce low-là dont on parle. Je ne sais pas comment ça se... S'ils sont dit conditionnel ou quoi en français, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais ce n'est pas pareil, comme vous pouvez constater. Donc là, il parle de ce là, de ce si employé dans cette circonstance-là. Quand le fa'ajaba, rahimahullah ta'ala, istirmal law fihi tafsil ala wujur ta'aliyah. Donc, utiliser le terme law qui veut dire si, il y a un détail qui va suivre. Des fois, ça l'est, c'est permis, des fois, ça ne l'est pas. الوجه الأول أن يكون المراد بها مجرد الخبر فهذا لا بأس مثل أن يقول الإنسان شخص لو زرتني لأكرمتك ولو علمت بك جئت إليك. Donc maintenant le premier c'est l'employer en sens d'information seulement pour informer. Ça y a pas de mal. Quelqu'un qui dirait si tu étais venu je t'aurais honoré. Ou si j'avais su que tu étais venu, je t'aurais rencontré. Je serais venu pour te rencontrer. Par exemple. Donc là, il informe d'une chose. C'est tout. الوجه الثاني أن يقصد بهذا تمني فهذا على حساب ما تمناه إن تمني أو إن تمنى بها خيرا فهو مأجور بنيته وإن تمنى بها سوى ذلك فهو بحسبه. Donc il a dit maintenant, ça peut être également dans le sens de du souhait. Quelqu'un recevait telle et telle chose. Donc si son souhait il est dit il est bon, alors il sera récompensé pour ce souhait. Et si on est si jamais ce souhait n'est pas vers une chose bonne, alors cela en fonction de ce qu'il aura souhaité. Par exemple, il dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala fi rajulin أو في الرجل الذي له مال ينفقه في سبيل الله وفي وجوه الخير ورجل آخر ليس عنده مال قال لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان. Donc il a donné l'exemple du Nabi sallam de quelqu'un qui a de l'argent et qui le dépense dans le bien et quelqu'un qui n'a pas d'argent. Celui qui n'a pas d'argent, il dit quoi? Si j'avais eu autant d'argent que un tel, j'aurais fait telle et telle chose avec cet argent-là dans le bien. Et j'aurais fait comme un tel. Alors quelqu'un il est riche, et avec son argent il dépense dans le bien. Et un il est pauvre. Il dit, si j'avais eu de l'argent comme un tel, j'aurais œuvré comme lui. Donc là, le si qu'il a employé, il est permis car là, il a voulu une chose qui est bonne. Mais ça n'est pas arrivé, il n'a pas cet argent-là. Mais il est récompensé pour l'intention, s'il est sincère dans ce qu'il dit. Et il dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما في الأجر سواء وثاني رجل. Donc les deux sont ils ont la même récompense par rapport à la niya. Mais bien sûr, celui qui aura agi a plus de récompense. Celui qui a l'argent qui aura dépensé aura plus de récompense, mais les deux, dans l'intention, ils ont la même récompense. Et après, il donne l'exemple de quelqu'un qui a de l'argent et qui utilise dans le mal. Et quelqu'un qui, comme l'autre, n'a pas cet argent-là, mais qui dit, si j'avais eu de l'argent comme un tel, j'aurais fait comme lui. Et ça, c'est le cas de la plupart des gens aujourd'hui. Ils vont voir quelqu'un qui est riche, qui s'achète plein de choses et qui fait du péché, du haram avec son argent. Et il dit par exemple, oh, j'aurais aimé être riche comme un tel pour pouvoir faire telle et telle chose, avoir telle et telle chose et faire telle et telle chose. Et là, il part dans les choses dans le mal. Quand par exemple, aller voir des femmes, avoir de l'alcool, sortir, avoir des richesses, mais juste en guise d'ostentation. Belle voiture, belle maison, mais juste en guise de riya, par exemple. Et bien lui, comme dans le hadith, il a la récompense de la mauvaise intention, comme l'autre. Celui qui est riche qui a l'argent. Sauf que celui qui est riche qui a l'argent, lui, il aura en plus le péché d'avoir agi. D'accord ? T'arrives. Donc là, celui-là, à ce moment-là, il interdit pourquoi ? À cause de la niyyah de la personne. Car il a un mauvais souhait. Awaj thalith an yuradu biha tahassur ala ma madha. فهذا ما ينهيون عنها لأنها لا تفيد شيئا وإنما تفتح الأحزان والندم. Maintenant, troisième situation, circonstance, c'est quelqu'un qui conteste ce qui s'est produit. Et cela est interdit. Car cela n'apporte rien et cela nous ferait qu'ouvrir la porte aux tristesses et aux regrets. وفي هذه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت لكان كذا فان لو تفتح اعمال الشيطان. Donc il a dit quoi le prophète صلى الله عليه وسلم justement par rapport à cette circonstance là, il a dit que le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant qui est faible, mais les deux contiennent du bien. Donc il a dit, investis-toi dans ce qui te profite et recherche de l'aide auprès d'Allah et ne baisse pas les bras. Et si une chose t'atteint, ne dis pas, si j'avais fait telle et telle chose, il se serait passé telle et telle chose. D'accord ? Mais il faut dire, qaddarallahu ma shaa. Dans le hadith, il n'a pas cité, mais à la base, c'est dans le hadith. Mais il faut que tu dises que Allah a décrété, cela se produit. Il dit, car le fait de dire low, c'est-à-dire le fait de dire si, dans cette circonstance-là, vous voyez, ça ouvre les portes à Shaitan. Donc il ne faut pas le dire. قال وحقيقة أنه لا فائدة منها في هذا المقام لأن الإنسان عمل ما هو مأمور به من السعي لما ينفعه ولكن القضاء والقدر كان بخلاف ما يرى. Donc il a dit il n'y a pas besoin de dire ce genre de choses si, d'accord, car la personne, il lui est obligatoire d'agir en certaines circonstances et de faire les causes. Et ensuite, les choses se déroulent selon ce que Allah Azza wa Jalla aura décrété. Par exemple, tu dois faire la salat. Tu dois aller au masjid. Tu sors de chez toi, tu as un chemin qui t'amène vers le masjid. Un chemin rapide, par exemple. Et de là, en passant par ce chemin-là, ben, il t'arrive que, par exemple, une voiture te renverse. Donc, quand il dit, ah, si j'étais passé par l'autre chemin, je ne me serais pas fait renverser. Tu vois. Ben là, ça ne sert à rien de dire ça. Car toi, tu as agi selon les causes, selon les circonstances. C'est ton chemin habituel. Le chemin le plus rapide pour aller au masjid, tu sortais pour une bonne cause, là, ce qui t'est arrivé, c'est quand Allah m'a chafal. On dirait, si j'avais pris un autre chemin, ça ne serait pas arrivé. Elle ne sert à rien. Voire, pire, tu ne sais pas ce qui te serait arrivé. Tu trouves, il serait arrivé pire que ça encore. Tu ne sais pas. En prenant l'autre chemin, il aurait pu t'arriver autre chose. Donc là-dessus, il n'y a pas de besoin de dire si ou si ou si. D'accord? Tu dis, quand Allah m'a chafal. Ce qui m'est arrivé, devait m'arriver. Et pareil, quand tu as des choses à faire, comme dans le hadith, fais-les. Entreprends-les. Ne commence pas à psychoter, à t'imaginer si je fais ça, il peut se passer ça, ça ou ça. Là, si tout devant toi est clair et limpide, et ce sont des causes qui t'emmènent à un khayr, fais-les. D'accord ? Après, si c'est des choses qui est mustahab ou permise, tu peux faire istikhara. Et après, tu agis. Donc voilà. Après, le shir fait un long tafsil par rapport à cette mas'ala-là, dont on se passera de citer. Et dans des hadiths, il est venu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit là-haut. Donc c'est pour dire que ce n'est pas dans l'absolu. Il faut voir dans quelles circonstances low, c'est-à-dire si, a été employé. Donc ça revient à contester le destin. Par exemple, des gens vont dire, comme a déjà fait le mithal, low la al kalb la dakhala, mathalan, al lus. Si ça n'avait pas été le chien, par exemple, le voleur serait rentré. Là, pareil, en faisant ce low, si là tu enlèves le bienfait d'Allah, tu l'attribues au cœur d'Allah, en l'attribuant au chien. C'est Allah qui t'a protégé. C'est pas le chien. Le chien n'est qu'une cause. Donc tu dis, là où l'Allah ثم الكلب لا دخل لس تدي سنيبا ايتي الله puis ensuite puis je veux dire ensuite le chien qui aboie le voleur serait on peut même dire probablement rentré car tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qu'Allah l'a prédestiné, tu ne sais pas si le chien vraiment leur fait quelque chose. Parce que le voleur, il peut rentrer, il connaît les chiens, et il se débarrasse du chien. Mais tu dis, il serait probablement rentré, par exemple. Mais si c'est Allah Azawajal, d'accord ? Alors, Allah, il fait ce qu'il veut. Non. Hadha alladhi akhadhna al-yawma min al-suwail, on espère que ce soit clair. Et dans Kitab Tawhid, il y a un chapitre entier lié à cela. Et là, on l'a pris de façon résumée. Fa ila huna, wa alhamdu rabbil alamin.